Bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast réalisé par nos élèves de 4e et de 5e de la Lab School Paris dans le cadre de notre cours de français. Ils vous proposent des contenus préparés avec soin pour partager leurs idées et leurs découvertes. Ce podcast a été réalisé par des élèves dans un cadre éducatif. Tous les droits sont donc réservés. Très bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Anouk, Mélissa et moi, Gaïa, allons vous parler du racisme. Tout d'abord, on va établir une définition. Discrimination, hostilité violente envers un groupe humain, d'après Le Robert. Les questions que l'on peut se poser sont: depuis quand le racisme existe-t-il? Pourquoi le racisme existe-t-il? De quand date le mot racisme? Est-ce qu'il y a différents types de racisme? Quelles sont toutes les formes de racisme? Qui a été le premier à définir le racisme? Quel est le but du racisme? Est-ce que c'est illégal d'être raciste? Comment reconnaître une personne raciste? Les origines du racisme sont difficiles à déterminer et finalement peu questionnées. Sa naissance remonte sans doute à la nuit des temps. Mais pour les historiens, le racisme reste avant tout lié à la construction de la race au XVIIIe siècle, dans le sillage de l'esclavage et de la traite transatlantique, d'après Radio France pour la première question. D'après Lumni, cela s'explique surtout par l'ignorance et la peur de l'autre. Les personnes racistes croient, à tort, que les idées toutes faites sur certains groupes sont vraies, peu importe ce que dit la science. À cause des préjugés, elle déteste tous les individus appartenant à ces groupes, pour la deuxième question. D'après les réseaux Canopé, le mot racisme apparaît en 1902, en France et au Royaume-Uni. Il devient d'emploi courant dans les années 20, en Allemagne, pour désigner les activités des groupes d'extrême droite et leur doctrine. Le phénomène se laisse assez facilement cerner dans ses manifestations idéologiques les plus explicites, liés à des contextes historiques précis, esclavagisme, l'essor des nationalismes, le nazisme, la ségrégation, etc. Cela s'explique surtout par l'ignorance et la peur de l'autre. Pour la troisième question, donc. On reconnaît différents types de racisme que l'on distingue par définition en fonction des groupes ciblés. Racisme anti-noir, racisme anti-arabe, racisme anti-juif, racisme anti-rom. Les roms sont des personnes bohémiennes. Leurs racines diffèrent, ainsi que leur évolution au fil de l'histoire et leur manière de se manifester. Le racisme sous ses diverses formes est toujours présent dans nos sociétés partout dans le monde. Le combattre est essentiel pour assurer le respect des droits de l'homme. Bien que l'UE se distingue par sa diversité, elle connaît aussi le racisme systémique. Pour la quatrième question. Le premier à définir le racisme est Charles Malato, un Italien écrivain, journaliste et correcteur. Il est né en septembre 1857 et mort en novembre 1938. Pour la cinquième question, le but du racisme est de chercher à porter atteinte à la dignité et à l'honneur de la personne, à susciter la haine et à encourager la violence verbale ou physique, d'après le musée de l'immigration. La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 distingue et sanctionne l'injure raciste, la diffamation, la provocation et la discrimination à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie. Une ethnie est un groupe d'humains qui partagent une culture et une organisation sociale particulière. Souvent, ils partagent la même langue, la même religion, les mêmes habitudes. Pour la sixième question. D'après l'Université de Montréal, une personne raciste manque d'ouverture aux idées proposées par une personne racisée, propos ou gestes qui homogénéisent les personnes racisées à leur groupe ethnoculturel, regard ou expression non-verbale dénotant la méfiance envers une personne racisée. Pour la septième question, voici un exemple assez connu. Voici l'exemple en question. Le meurtre de George Floyd. Pour ceux qui ne savent pas, on récapitule les faits. George Floyd a 46 ans. C'est un Afro-Américain qui se fait arrêter par la police le 25 mai 2020 au Minnesota, à Minneapolis. Il rentre dans une épicerie pour s'acheter un paquet de cigarettes. Mais l'épicier se rend compte que George Floyd paye avec un faux billet. Ils veulent le lui redonner, mais George refuse. C'est alors que l'épicier appelle la police en ajoutant que George Floyd est fortement alcoolisé. Rapidement, la police arrive et menotte l'homme de 46 ans qui refuse de monter dans la voiture des policiers. C'est alors qu'on le plaque sur le sol. Un policier met son genou sur la gorge de l'homme qui n'a plus à respirer. Pendant 9 minutes, il répète la phrase qui aura fait le tour d'internet. « I can't breathe ». Ce qui signifie en français « je ne peux pas respirer ». Le policier promet de le laisser respirer s'il monte dans la voiture. Mais immobilisé par la prise, George Floyd ne peut pas monter. Donc, les policiers ne le laissent pas respirer. Et George Floyd meurt asphyxié. Cela a provoqué des émeutes et des révoltes, ainsi qu'une enquête sur Derek Chauvin, qui a été condamné à 270 mois, soit 22,5 ans de prison. Derek Chauvin étant le policier qui a asphyxié George Floyd. Quelles conséquences a le racisme ? Le racisme peut amener certaines personnes à penser que les personnes racistes ont raison et n'acceptent pas leur couleur de peau, par exemple. Dans certains cas, les personnes victimes de racisme peuvent aussi se faire du mal physiquement. Comment lutter contre le racisme ? Source, ici c'est cool. Le site Égalité contre le racisme est une initiative du Défenseur des droits pour faire face au racisme. Il propose une page ressources avec de nombreux dispositifs institutionnels ou associatifs qui existent pour lutter contre le racisme. Fin de ce podcast, à la prochaine! You're thinking about